Les studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est Palmarès et Fou, édition Franco. Et oui, c'était la dernière fois que je disais édition quelque chose avec une seule langue à la fois. Bienvenue dans l'édition francophone des Palmarès, c'est fou, je m'appelle Mathieu Plante. Et ben comme à chaque semaine, et pour la dernière fois, on va passer un petit moment à écouter seulement les positions francophones du Palmarès. Il y en a 20. La semaine passée, numéro 1 était Waving Hands avec Bonne Nuit Mon Cœur de leur maxi Places. On va savoir si ça tient d'ici la fin de l'émission. Mais avant ça, on a un bloc de nouvelles entrées, il y en a deux. On va entendre Ashigan tantôt avec Devenir Poisson de leur album Au fond des toilettes du monde. Mais on débute avec le Husky et son tout nouvel album La Fuite. Voici Maison Hantée au 89.1 FM, c'est fou. 19. Nouvelle entrée. Le monde est déjà à la semaine de mes souliers. Encore quelques années, ce sera la mode du jean roulé. Si on attend un peu plus, je mouillerai mon chandail. Et l'un des amis me poussera des écailles. Mes yeux se déplaceront sur le côté de ma tête. Mes oreilles disparaîtront de la surface de mon être. Je deviendrai chauve comme une dernière retouche. Mon idée va rejoindre ma bouche. Et je te... Sur leur yacht, tous les peuples du monde envahiront le Tibet. Le Kilimanjaro et les autres grands sommets. Vous ne serez pas surpris de voir José Bernard sur l'eau flotter son canot grâce à l'air de son cerveau. Comme les autres médiocres de l'humanité, dont la bêtise sera enfin révélée. Je deviendrai, je deviendrai poisson. Je vais prendre l'évolution et je vais la renverser. Tombe douce pluie. Je serai chargé d'espoir, de voir bâtir un monde nouveau, comme un nouveau départ. Je voyagerai partout dans cette sublime soupe et percerai le fond des chaloupes. Je mordirai les orteils des baigneurs, j'enrayerai les hélices des moteurs. Pleureront bien fort leur monde idéal et leurs larmes gonfleront encore le littoral. Les deux nouvelles entrées du palmarès francophone de cette semaine, ça c'est Achigan avec Devenir Poisson de l'album Au fond des toilettes du monde. Et on a débuté avec Le Husky et Maison hantée de l'album La Fuite, qui est tout nouveau, tout neuf, tout frais, tel un Husky qui serait resté un petit peu trop longtemps dehors. Hein. Prochain bloc des palmarès et fouditions franco, on va entendre Les Trois Accords et Orange Orange. Orange Orange, d'ailleurs, qui monte un petit peu cette nouvelle entrée la semaine passée. Disons que c'est pas la pièce qui a le plus de succès à date le plus rapidement possible, mais bon. Deuxième semaine, on ne peut pas s'attendre non plus à tout là. Hein? Bon, commençons le bloc avec le Sabot Trio, une pièce qui est là depuis 10 semaines. Donc ça colle longtemps cette pièce du Sabot Trio. Voici Ginny Girl qui descend de 4 au 89 FM. C'est fou! Yeah. numéro 16. Les trois accords et croquer les coups descendent 5 places, c'est en 16e position et ça fait 9 semaines que c'est là, donc beau succès pour les trois accords. Avant, c'était Orange Orange qui était une nouvelle entrée la semaine passée et Montréal, ça a monté de 3 places. Pas beaucoup, disons, vraiment pas beaucoup. En début de bloc avec le Sabot Trio et Jenny Girls, ça descend de 4 places. Je sais ça aujourd'hui, c'est comme mon passe-temps. 10e semaine de présence pour Jenny Girl. Vous êtes dans l'édition francophone des palmarès de Cepu. Dans le prochain bloc, il va y avoir Bravo Funken et Tricot Machine, mais on débute avec une nouvelle entrée de la semaine dernière. Encore une fois, celle-ci monte de 2 places. Voici les Commodores de Moussette. Et c'est dans les palmarès Cepu et c'est au 89.1 FM. Je vous rappelle d'aller télécharger les balado-diffusions de l'émission sur assemblagerequis.com. We'll be right back. Au retour, Tricot Machine, Fred Fortin, Radio Radio et Patrick et les Brutes dans les Panoramas Fous édition Franco. Numéro 14. Bravo Funkin et la pièce Ta mère va danser, c'est stable en 13e position. Avant, c'était Tricot Machine avec Défi les rythmes qui descend de la 5e. Ça fait 7 semaines que c'est là et ça descend pas mal d'un coup sec, ça. Hein? C'est la pièce de leur plus récent album. On a commencé avec Moussette et les Commodores, ça monte de 2 places. C'était nouveau la semaine passée. Donc un petit saut, un petit bond pour Moussette. Ça n'a pas moussé encore. Ouais. Vous êtes dans l'édition francophone des Palmarès, c'est fou. On arrive presque à la moitié. C'est avec ce prochain bloc qu'on va se rendre à la mi-chemin. On va entendre du Vlandindin et du Radio Radio. Mais on commence avec Fred Fortin. Il descend de 3 places. Voici le cinéma des vieux garçons au 89 FM. C'est fou. 1, 2, 3, 4. J'ai quitté la maison quand elle m'a dit de partir sans lui demander la raison. Pas comme si je la voyais pas venir. À virer tout et bon dans le salon. Elle portait sa robe des grandes occasions. Et je n'ai pas versé une larme tandis qu'au fond de moi, j'avalais le mouton. J'ai compris quand à mon anniversaire j'ai reçu les clés du Pontiac, que ça laissait aussi entendre à star tes clics et puis tes claques. J'ai regardé le bonhomme dans sa chaise, ses yeux cherchaient de l'air dans ses lunettes. Et même sa perruque ne pouvait contenir le malaise qui régnait sous son toit. Tu as 40 ans, ça fait un peu grand. Je t'en prie, maman, don't let me go. Dans un deux et demi de à la projection. Et j'ai le sentiment que maman est très fière de moi. Là-bas dans sa maison. Numéro 11. Take two, sit back, relax. 14. Favorite lazy boy recliner chair. Mm-hmm. Fix it back. Bounce. That's all I bet you. Prime left over, she deft on barack dans le fuck a burnack. Sur le catwalk, text mon laptop. La nuit est calme, faut que je ne presse les dames avec ma lazy walk, lazy bush, enjoy. Une bonne petite drink, say your name, enjoy. All inclusive, non intrusive. Jose, Jose, Jose, Jose. Cracking down the chaise, on the circuit de la maze. Belle smile, belle plume, dit sans trop laze. Dear quest du bay, sick du bay. Security and clearness, a touch of bay. Rolling belle smile, belle plume, sans balay. Lagos, Bordeaux, I'm a fly away. 33 journée, y'a pas qu'au réalise, man. Jusqu'au nez. On est cagé dans ma chaise, cagé dans ma chaise. On est cagé dans ma chaise, cagé dans ma chaise. On est cagé dans ma chaise, cagé dans ma chaise. On est cagé dans ma chaise, cagé dans ma chaise.

Et voilà, vite comme ça, on vient d'entendre la moitié du palmarès. Ça, c'était Vlant d'Aidant avec Mes meilleurs amis. Ça monte de 8 places. C'était nouveau la semaine passée. Même chose pour Radio Radio avec Les cargués dans ma chaise qui monte de 8 places. Et on a débuté le bloc avec Fred Fortin qui descend de 3 avec Le cinéma des vieux garçons. Fred Fortin qui est là avec cette pièce en particulier là depuis 7 semaines. Et la plupart des pièces de Fred Fortin qu'on a retrouvées sur le palmarès de cet album-là qui se nomme Placerie la Lune, font très, très, très long feu. Donc, de grands succès qu'on va sûrement trouver dans le palmarès de l'année 2010. Vous êtes toujours dans l'édition francophone des palmarès, c'est fou, et je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans le prochain bloc, on va entendre Damien Robitaille avec On est né nu et Le volume était au maximum avec Love. Hein, aujourd'hui, je remplace les D par des T ou le contraire, les F par des en tout cas, ça n'a pas sens. On débute avec Patrick et les Brutes. Voici quelque chose qui monte de 3 places, c'est J'ai peur de la mort au 89 FM. numéro 7. Montée de 3 places pour On est nénu de Damien Robitaille. Avant, c'était le volume était au maximum stable en 8e avec Love. Et on débutait avec une pièce qui monte de 3. C'est en 9e maintenant. J'ai peur de la mort de Patrick et les Brutes. C'est sur l'album Toutes les filles sont folles, moi. Vous êtes dans l'édition francophone des Palmarès assez fous et on se range jusqu'au numéro 1 qui, la semaine passée, était, je vous rappelle, Waving Hands avec Bonne nuit, mon cœur. Ça va être l'album Places. On va savoir si c'est toujours ça qui est au sommet. Je sais pas, j'ai des petits doutes. Je sais pas quoi penser. Mais avant ça, on a quand même un top 6 à entendre dans le prochain bloc. Il va y avoir Michel O avec Assise dans la tête et Xavier Caféine avec Darwin au Vatican. Mais on débute ça avec les vulgaires machins. Vous les connaissez, vous les aimez. Ça monte d'une place. Voici Parasite au 89.fm.

numéro 4. Michel O et Assise dans ma tête, stable en quatrième place. Avant ça, c'était Xavier Caffeine avec Darwin au Vatican qui monte d'une place. Même chose pour Vulgaire Machin avec Parasite qui est en sixième position. C'est sur l'album Requiem pour les sourds. Album très récent, ça. Très joli. Très joli. Vulgaire Machin, on adore. Voilà, donc il nous reste seulement les positions 3, 2 et 1 à entendre en troisième position. Mais c'est très dommage à vous dire comme ça, rempli d'émotions, boulot dans la gorge, etc. Mais Waving Hands n'est plus numéro 1. Non, c'est rendu en troisième avec Bonne Nuit, Mon Cœur, de leur album ou de leur maxi Places. Suivra Bernard Adamus avec Cauchemar de course qui monte d'une place. Et c'est dans les palmarès assez fou, 89 FM. Après ça, ben, ça va être le numéro 1. Puis après ça, ben, ça va être fini. Puis on va se dire à la prochaine fois. Night on the

Et c'était le grand numéro 1 du palmarès francophone de cette semaine. Avant de dire le numéro 1, on fait un petit récapitulatif du top 5. En cinquième position, c'était Xavier Caffeine avec Darwin au Vatican. En quatrième, c'est Stable, Michel O avec Assise dans ma tête. En troisième, c'était l'ancien numéro 1, Bonne nuit mon cœur de Waving Hands. En deuxième, ça monte d'une place, Bernard Adamus avec Cauchemar de course. Et on vient d'entendre la position numéro 1, ça monte d'une place. C'est Carquois avec Les chemins de verre. Et c'est seulement la quatrième semaine de présence pour cette pièce-là, donc ça a monté pas mal vite. C'est sur l'album Les chemins de verre de Carquois. Voilà pour l'édition francophone seulement des palmarès, c'est fou. Je vous le rappelle, encore une fois, c'était la dernière édition où il y a seulement que du francophone. Fini la ségrégation, fini le racisme linguistique. On va rassembler comme il devrait être, comme elle devrait être, les positions francophones et anglophones. À partir de la semaine prochaine, ça va avoir lieu les lundis entre 15h et 18h. On rappelle les vendredis soirs, toujours de 17h à 20h, ça ne change pas. D'ailleurs, les auditeurs du vendredi vont nous quitter pour aller rejoindre les lutins de l'enfer. Ça commence dans quelques minutes à peine à 20h. Je vous retrouve dans quelques minutes. Normalement, on ferait une dernière demi-heure additionnelle des palmarès c'est fou, mais on va commencer assemblage requis à une heure tout à fait spéciale, à 14h30, dans quelques minutes à peine. Donc, on se retrouve là. Ça va être notre dernière émission de la session à assemblage, donc ça va être pas mal de fun avec toute l'équipe. Bref, passez une excellente soirée si vous nous quittez. Sinon, à tout de suite, après la pause. Bye!